بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد Donc, biznillah, aujourd'hui nous allons rentrer dans le chapitre de la zaka, Kitab al-Zaka, le grand chapitre de la zaka. Et bien avant de rentrer dans le chapitre de la zaka, d'abord il faut savoir ce que c'est que la zaka. La zakat, dans la langue arabe, yannama, c'est la croissance. Waziyada et l'augmentation. Donc, ça c'est dans la langue arabe, c'est le masdar des zakka yuzakki. Ça veut aussi dire purifier. Toyib, ça veut aussi dire la purification. Comme taqoul, tu dis zakka azzaru. Izanama Zaka Azar. Azar, c'est la plante. Donc, lorsque tu dis Zaka Azar, Izanama, lorsque la plante s'accroît, il s'augmente, c'est ce qui est le sens de la Zaka. Toyib, dans la langue arabe. Donc, voilà pourquoi vous verrez que le sens de la Zaka ne vient pas dans le Coran dans un seul sens. Ça vient dans le sens de la purification et ça vient aussi dans le sens de la croissance ou bien l'augmentation. Toyib, comme Allah dit, Qad aflaha man zakkah. Qad aflaha man zakkah. C'est-à-dire, à cette réussite, man zakka nafsa. Celui qui purifie son âme. Alors pour cela, nous allons d'abord faire une muqaddima, qui est une introduction, bien avant de rentrer dans le livre du Cheikh Ali Ar-Ramli, qui explique les paroles de l'imam Shawkani dans Durarou Al-Bahiyya. Toyib. Donc le mot zakat dans la législation, alors le cheikh Uthaymin rahimahullah, il dit dans son explication de Bulugh al-Maram qui est Fathu Zil Jalali wal Ikram fi Sharhi Bulugh al-Maram. Dans Kitab al-Zaka, il dit « وَأَمَّا الزَّكَاتُ فِي الشَّرْعِ » Quant à le mot « Zaka » dans la législation, « فَقَدْ قُلْتُ إِنَّهَا زَكَاتُ النَّفْسِ وَزَكَاتُ الْمَالِ » Le mot « Zaka » qui est la purification et la croissance, dans la législation, veut dire deux sens. Toyib. Zakat ou nafs, la purification de l'âme, ou zakat ou al-mal, et la purification du bien. Toyib, al-mal, ça rentre dans tout ce qui est bien de l'être humain. Toyib, c'est pas l'argent. Ça va? C'est traduit par les biens. Toyib, wa kilahuma, mais les deux, zakat ou nafs fil waqi'. En réalité, les deux purifient l'âme. Ça va? Zakatul mal vient purifier l'âme. Zakatul nafs purifie l'âme. Zakatul mal purifie aussi l'âme. Ça va? Fil waqi'. En réalité. Donc, le Cheikh Ousseymine dit Lakin al-awwal zakatul nafs bil iman. Mais le premier, c'est que c'est la purification de l'âme par la foi. Wassani zakatul nafs. Mais le deuxième, c'est purifier l'âme bi bazlil mal, en dépensant l'argent de ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Toyib. Donc, ici, zakatul nafs bil iman laha amsila. Le Cheikh Mohammed bin Uthaymin, rahimahullah, il dit, purifier l'âme, ça va, par la foi, il y a des exemples dans le Coran. Donc, comme on vient de dire, le mot zakat qui vient dans le Coran a deux sens. Il y a zakatul nafs bil iman. C'est-à-dire en croyant à Allah, en s'écartant du shirk et des innovations, alors la personne qui fait cela, il a purifié son nafs, il a fait une zakat. Toyib. Et la personne maintenant qui dépense sur le chemin d'Allah aussi a fait une zakat. Mais d'abord, al-awwal, zakatul an-nafs. Purifier l'âme bil-iman. Les exemples de cela dans le Coran sont le verset qui vient dans Sourate Shams, où Allah dit qad aflaha man zakkaha. Yani, le ha ici revient à quoi? Au nafs. Man zakka an-nafs. Ça va? Au zakka nafsa. Celui qui a purifié son âme, wa qad khaba man dassaha. Alors, à cette périr et échouer celui qui salit son nafs. Ça va? Donc ici, le Cheikh Ousseymine aussi dit, il y a l'exemple aussi dans le verset de Surat Fussilat, qui est « Wa waylun lil mushrikin ». Allah dit « Malheur aux associateurs, alladhina la yu'tuna zaka » ceux qui ne viennent pas avec la zaka. Toyib, wa hum bil akhiratihum kafirun. Et il me croit en l'au-delà. Il dit, fa inna kasira min al mufassirin. Beaucoup parmi les savants du tafsir, hatta les salaf, yakuluna al muradu bil zakati huna fi hadhihi al aya. Ce qui est voulu par le mot zakat ici dans ce verset, c'est zakat ou nafs. C'est la purification de l'âme, bil iman, par la foi. Li annahu bi zakati huna, ka ici, li annahu qal aladi lil mushrikin. Est-ce qu'on ordonne aux mushrikin la zakat? Hein? Toyib. Allah dit lil mushrikina alladhina la yu'tuna zaka. Malheur aux mushrikin qui ne donnent pas la zakat. Est-ce qu'on ordonne la zakat aux mushrikin? Hein? Toyib. Wa laysa ityanu zakat. Le fait de venir avec la zakat ou donner la zakat n'est pas plus immense que la prière. Et Allah n'a pas parlé de la prière ici. Toyib, mais il a dit alladhina la yutuna zaka. Donc si on dit c'est la zakatul mal, ici Allah aurait parlé de la prière d'abord avant de venir avec le mot zaka. Donc ici fadalla ala anna al murad, cela montre ici que ce qui est voulu bi zakatu huna, c'est zakatul nafs bil iman. C'est zakatul nafs bil iman. Toyib. Et ce verset, comme on va revenir dessus, sur l'ikhtilaf qu'il y a eu entre les savants sur Kufr, Tariq, Az-Zakat Bokhlan. Celui qui laisse la zakat, qui refuse de donner la zakat par avarice. Pas celui qui dit que la zakat n'est pas obligatoire. Toyeb. Celui qui dit que la zakat n'est pas obligatoire, là, ishkal fi amri. Celui-là, il est mécréant bi ijma. Il y a un consensus. Parce que il a nié quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire. Mais ici, même dans leur divergence, sur celui qui donne la, celui qui refuse de payer la zakat par avarice, reconnaissant l'obligation, même dans leur divergence, ils n'ont pas utilisé ce verset qui est Fawailu lil mushrikeen alladhina la yutuna zakat. Ils n'ont pas utilisé ce verset-là pour argumenter que celui qui ne donne pas la zakat est mécréant. Ils n'ont pas utilisé cela. Dans les ikhtilaf, on va voir les versets qu'ils ont utilisés, les hadiths là qu'ils ont utilisés, mais ils n'ont pas utilisé ce verset parce que ce verset ne parle pas de la zakat fi zahir. Ce verset a été révélé à Mecca qabla wujubi az-zakat. Avant l'obligation de la zakat. Donc celui qui vient utiliser ce verset pour rendre mécréant quelqu'un, ou bien dire que la personne est mushrik, hada imma jahil wa imma salikun li tariqatil khawarij. Soit il est ignorant, ou bien soit il utilise la voie des khawarij. Pourquoi il utilise la voie des khawarij? Lian al khawarij ya'tamiduna ala al-dawahir. Il se base sur ce qui est apparent. Voilà pourquoi lorsque le khariji veut te rendre mécréant, il vient avec un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Sibab al-muslim fusuq wa kital al-wukuf » Et il dit toute personne qui combat un musulman est mécréant. Parce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wa kital al-wukuf » Il est mécréant s'il combat le croyant. Alors que Allah dit wa in ta'ifatani min al-mu'minina qtatalu. Donc ce qui montre que si deux musulmans se combattent, deux croyants se combattent, ça ne les rend pas mécréants. Mais le khariji, lui, n'a pas besoin de jam al-nusus. Le khariji, il n'a pas besoin de jam al-nusus. Ya izalika wasafna zaka ar-rajul allazi akhadha hadhihi al-aya. Qui a utilisé ce verset pour rendre les musulmans mécréants ou bien les musulmans mouchriques et dire même que c'est Allah qui a dit cela. Hadith Tariqat al-Khawarij. Félicitlal. Wa aidon jahluhu wadihuna. Son ignorance est claire ici. Bilashak. Parce que s'il n'était pas ignorant, même lorsque il va dire je m'appuie sur ce que l'imam Ahmad a dit, on va revenir dessus, l'imam Ahmad n'a pas utilisé cette argumentation. Ceux qui ont dit Tariq Zakat Bukhlan sont mécréants, ils n'ont pas aussi utilisé cette argumentation. Ils ont utilisé d'autres argumentations qui sont qawi. Mais ces argumentations-là, Amam al-Adil-là, à côté de d'autres preuves, ces argumentations-là tombent. Ça quitte dans le umum pour venir dans le khusus. Est-ce que vous comprenez? Tayyib. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Il dit, « Wa amma zakat bil mal, faya kesira. » Il y a beaucoup de versets dans le Coran qui montrent cela, « Zakat bil mal. » La zakat de l'argent. Comme Allah dit, « Wa ma ataytum min riban liyarbu fi amwali nas, fala yarbu inda Allah. » C'est-à-dire la riba que vous envoyez afin d'avoir des bénéfices dans l'argent des gens, cela ne va pas s'accroître auprès d'Allah en mérite. Wa ma ataytum min zakat. Mais ce que vous avez donné des zakat turiduna wajha Allah, que vous cherchez le visage d'Allah avec faulaika humul mudhi'ifun. C'est cela, Allah subhanahu wa ta'ala yudha'af lahum al-ujur. Allah va accroître leur récompense. Tayyib. Donc, cette parole est dans le livre de l'imam Muhammad bin Saleh al-Uthaymin, rahimahullah. Rahmatan wasia, qui est l'explication de Bulugh al-Maram. فتح ذي الجلال والإكرام في شرح بلوغ المرام. طيب c'est un livre qui est beaucoup volumineux. Dans d'autres tobas c'est 7 volumes, dans d'autres c'est 8, il y a d'autres aussi c'est 9. Toyib, c'est un livre qui est beaucoup volumineux. Ensuite, nous allons rentrer dans l'ikhtilaf des savants concernant, dans le ikhtilaf qui a eu concernant Tariq ou Zaka. On a dit, celui qui délaisse la Zaka, disant que ce n'est pas obligatoire, quel est son hukum? Kafir bil ijma. Le consensus montre qu'il est mécréant, bil ashak. Sans aucun doute, il est mécréant. Toyib. Maintenant, celui qui délaisse la zaka par avarice. Alors, c'est au sujet de celui-là que il y a eu une divergence légère. Ça va? Quelle est cette divergence? Le chef Ousseymine va nous parler de cela dans son char, Mumtia, son explication de Mumtia, Al-Azad Al-Mustaqna, dans Bab Zaka. Allez-y aussi là-bas, vous allez voir ce que le chef Mohamed bin Saleh Al-Ousseymine il a dit. Il dit, « Wa qad sabata an al-imam Ahmad, rahimahullah. » C'est venu de façon authentique de l'imam Ahmad, fi ihda riwayat, dans l'une des versions. Parce que l'imam Ahmad a plusieurs versions dans ce jugement. Il y a les versions où il dit, celui qui refuse de donner la zakat n'est pas mécréant. Dans les versions, il dit, c'est une seule version même où il a dit, qu'il est mécréant. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, inna tarikaha, celui qui délaisse la zakat bukhlan, Yakfur katariki sola kasala. Celui qui délaisse la zakat par avarice, mécroit comme celui qui a délaissé la prière par paresse. Azakalamu. Le Cheikh Ousseymine dit, walakinna sahi. Mais ce qui est authentique, anna tarikaha la yakfur. Celui qui délaisse la zakat n'est pas mécréant. والذين كفروا مانعها بخلا قالوا ceux qui ont rendu celui qui refuse de donner la zakat mécréant, ceux qui l'ont rendu mécréant, regarde l'argumentation qu'ils ont apportée. Si cet imam avait apporté cette argumentation, on aurait dit akhadha biqawl haula. Il a pris la parole de ceux-là. Là, qui n'a pas apporté cette argumentation. L'argumentation vient dans Surat Tawbah. Et 10, Allah dit, « Fa in tabu wa aqamu s-salah wa atawu zaka fa ikhwanukum fid-din. » Si se répandent en délaissant le shirk. Le « in » ici, c'est « chartiya ». Et la condition, le « chartiya » ici, « la yakmul ». Atena dafa, ça ne peut pas être complet, sauf si on respecte les trois conditions. Avant que le « jawab » vienne. « Tayyib »« Yakununa min ikhwanikum » Ils sont vos frères du moment où ils se sont repentis. Ils ont donné, ils ont prié et ils ont donné la zakat. Pourtant, lorsqu'ils sont vos frères, c'est-à-dire qu'ils sont musulmans, mais s'ils n'ont pas donné la zakat, ils n'ont pas aussi prié, ils ne se sont pas repentis, ils n'ont pas rempli les trois conditions, ils ne sont pas vos frères. Le dalil est qawi ou pas? Est qawi? Là qu'il y a des adillah qui vont venir enlever cela dans la généralité, surtout la zakat. Dans cette généralité. Voilà pourquoi la bouddha li sunni wa hadhihi tariqati ahli sunna. La voix des gens de la sunna, c'est al-jam'u bayna an-nusus. C'est de rassembler les textes et faire sortir le jugement. Pour savoir là où cette parole est générale et là où cette parole est spécifique. Parce qu'il y a des paroles qui sont générales, dont il y a des hadiths là, il y a des preuves qui viennent enlever dans sa généralité. Est-ce que vous comprenez? Donc, Tayyib, ici, voici le verset qu'ils ont utilisé. Donc, le cheikh Ousmane dit, « Farad tabasou tubout l'ikhwa ala hadir awsaf salasa » Allah a lié l'affirmation de la fraternité sur ces trois conditions. N'est-ce pas? Et quelles sont ces trois conditions-là? « Intabu minashirk » Si se répand du shirk, « Wa aqamu salat » Et ils accomplissent la prière. « Wa ataw zakat » Et ils donnent la zakat. Ils sont vos frères. Donc, « Wa la yumkin an tantafi al ikhwa fi din » Illa idha kharaja al insanu min ad din. On ne peut pas nier la fraternité dans la religion, sauf si celui dont il nie la fraternité pour les autres musulmans sort de l'islam. Est-ce qu'on comprend? Ici, Allah dit, fa ikhwanukum fi din. C'est vos frères dans la religion. Donc, s'ils ne sont pas venus les trois, cette fraternité est niée ou pas? Ça n'existe pas entre les musulmans. Maintenant, est-ce qu'on peut nier la fraternité entre les musulmans, entre le musulman et son frère, si son frère n'est pas mécréant? On ne peut pas nier cette fraternité. S'il sort de l'islam, là, on nie cette fraternité, n'est-ce pas? Donc, wala yumkina hada illa idha kharaja amma idha fa'ala al-kaba'ir. Mais quand il va faire le grand péché, fawa akhun lana, c'est notre frère. Fal qatil amdan, celui qui tue son frère de façon sciemment, il est le frère de celui qui l'a tué. N'est-ce pas? Parce qu'Allah dit ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumul qisas fil. La loi du talion vous a été prescrite lorsqu'il y a un meurtre. Al-hurr bil-hurr wal-'abd wal-unsa bil-unsa faman 'ufiya lahu min akhihi. Allahu akbar. Allah ici a affirmé la fraternité, c'est-à-dire celui qui pardonne à son frère. Bon, toi, ici, al-maqtoul, celui qui a été tué, faja'ala Allah al-maqtoul aqal lil-qatil. Allah a rendu celui qui a tué le frère de celui qui est mort, qui a été tué, qui est la victime, le frère de l'assassin. N'est-ce pas? Donc ici, au sujet de ceux qui se combattent aussi, Allah dit, au sujet de ceux qui se combattent, « Wa in ta'ifatani min al-mu'minina iqtatalu fa'aslihu bainahuma » Après ce verset, il a dit, « Innamal mu'minuna ikhwa » C'est toujours la même masala. Les croyants sont des frères. Donc ici, Allah n'a pas nié la fraternité pour ceux qui se combattre. Alors que dans le fait de se combattre, il y a des morts. Donc, s'il y a des morts, est-ce que deux croyants, s'ils se combattent, ils sont mécréants? Ils ne sont pas mécréants. Mais ici, regardez dans le verset ici, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Wa in tabu wa aqamu salat wa atau zakat fa » Donc ceux qui ont étudié cette argumentation, ils disent que celui qui refuse de donner la zakat est mécréant. Pourquoi? Allah a conditionné la fraternité de l'islam par le fait de donner la zakat. Si on s'arrête à cela, on dira que ils sont sur la preuve authentique. Voyez? Nam. Voilà chaque cas. Le cheikh Ousmane dit, il n'y a pas de doute. Anna hadha al-qawl lahu wajhun jayyidun fil istidlal. Cette parole, c'est une bonne argumentation. Tayyib, lakin dalla hadith Abi Hurayra. Mais le hadith Abi Hurayra radiyallahu ta'ala as-sabit fi sahih Muslim. Qui vient dans le sahih Muslim, ala anna az-zaka laysa hukmaha la zakat, son jugement n'est pas comme le jugement de la prière dans ce verset. Le verset, si on s'arrête à cela, on dira Celui qui ne prie pas, il est mécréant. Celui qui ne donne pas la zakat, il est mécréant. Mais il y a un dalil qui vient enlever la zakat dans cela. Qui va placer la zakat maintenant. Si on veut donner, on ne va pas dire tariq ou abukhlan. La la tariq ou jahdan. Celui qui nie la zakat, c'est celui-là qui rentre dans ce verset. Quelle est la preuve qui vient dans Sahih Muslim? Hadith ذكر النبي صلى الله عليه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مانع الزكاة الذهب والفضة إلى حديث يا حديث لا أو المسجد صلى الله عليه وسلم يدي ceux qui ne donnent pas la zakat de leur mal il va montrer ce qui leur seront ce qui vont le faire le jour de Yom al Kiyama comme châtiment toyib comme châtiment et il a mentionné ce châtiment là. Summa qala, et il dit après maintenant la voix châtiée. Après la voix châtiée. Le jour de Yom al-Qiyama. Pour la zakat qu'il n'a pas donné. Yara sabilahu. Ou yura sabilahu. On lui montre sa voix. Imma ila al-Jannah. Wa imma ila al-Nar. On lui montre sa voix maintenant. Soit au paradis. Soit à l'enfer. Après la voix châtiée. Donc, ici, les mécréants, on lui montre deux voix. Hein? On ne lui montre pas deux voix. Et ce hadith vient dans Sahih Muslim. Ce hadith est authentique. Est-ce que ce hadith n'a pas enlevé ce verset dans sa généralité au sujet de la zakat? Hein? Donc, le Cheikh Ousseymine dit aucun kafiran, s'il était mécréant, s'il était mécréant, لم يكن له سبيل الى الجنه il n'aura pas une voie au paradis. طيب فاذا قال قائل si quelqu'un dit اذا خصصتم ايه التوبه بالنسبه لتارك الزكاه فلماذا لا تقولون ذلك في تارك الصلاه il dit si vous dites bon ok le verset de sourate التوبه. La zaka, celui qui délaisse la zaka ici n'est pas mécréant à cause de ces hadiths. Mais pourquoi vous ne dites pas aussi la même chose pour celui qui délaisse la prière? Alors, Cheikh Ousseymine dit, لأن الحكم, parce qu'ils disent que لأن الحكم واحد, parce qu'Allah dit, فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. Le Cheikh Ousseymine dit, la réponse, Anna tarika sola, celui qui délaisse la prière, quand waradat fihi nusus tadullu ala kufri. Il y a des textes qui sont venus, beaucoup de textes qui montrent sa mécréance. Ça va? Famin ajli zalika hakamna bi kufri. C'est pour cela qu'on a dit qu'il est mécréant. Wa nususul warida fi kufri tariki solat, nususun qa'ima. Ce sont des textes qui sont dressés. Et n'a pas aussi les salah mu'arid, n'a pas de texte qui vient s'opposer à cela pour le rendre spécifique. Vous comprenez? Toyib. Donc, on va s'arrêter ici concernant cette divergence. La divergence akbarul adilla sur laquelle les gens se basent, les plus grandes preuves, c'est ce verset. Et aussi l'action de Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu avec les mani et Isaac. Parce qu'ils disent, s'ils n'étaient pas mécréants, Abu Bakr n'allait pas les combattre. Pour balayer ce dalil, on utilise le verset Wa in ta'ifatani min al-mu'minin aqtatalu. Le fait de combattre quelqu'un ne montre pas qu'il est mécréant. Et ils ont utilisé aussi la parole de Abu Bakr radiallahu anhu qui dit Law mana'uni. Iqalan. Ça va? Si mon interdit Iqal, Tayyib, la qatal tu mari. Et il a dit, la uqatilanna man farraqa bayna salati wa zaka. Il dit, je combattrai toute personne qui met la différence entre la prière et la zaka. Donc, avec d'autres hadiths là, sur lesquels il se base, mais c'est pas le dalil qu'a utilisé ce qu'on est là. Toyez, c'est pas ce dalil. Parce que ce dalil, Aslan, Ils ne viennent même pas avec cela dans la divergence. Bon, j'ai dit Koné, il y a des gens qui m'ont regardé. C'est Zacharia Koné. Hein? Qu'Allah nous préserve. Et qu'Allah nous guide enfin sur le droit chemin. Donc, ce qu'on vient de voir, dans le Char Moumtia, le Cheikh Mohamed bin Saleh al-Husseymin, rahimahullah. Donc ici, le Qawl Sahi concernant cette Mas'ala, c'est que le Tariq Zakat, Bukhlan, il n'est pas mécréant. Toyib. Celui qui veut dire qu'il est mécréant, qu'il utilise les dalits de ceux qui ont utilisé pour dire qu'il est mécréant. Mais on viendra toujours lui dire qu'il n'est pas mécréant. Mais s'il utilise d'autres arguments qui ne tiennent pas à la tariqat al-Khawarij, nous dirons qu'il est khariji. Pas parce qu'il a pris la position d'un savant, ou bien de deux savants, ou bien une divergence, mais il a utilisé tariqat al-Khawarij fi kufri al-Muslimi. Est-ce que vous comprenez? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et nous guise enfin sur le droit chemin. C'est bon, il y a des questions? Naam, ok. Naam. Quel? Aucun savant n'a utilisé ça. Aucun savant n'est venu dire, Allah dit celui qui ne donne pas la zakat est mouchrik. Aïwa. Aïna isidlal. On a qu'à faire baïna shirk ou al kufr. Kullu mouchrik kafir ou alaysa kullu kafir mouchrikan. Donc, si tu viens dire qu'il est mouchrik, c'est-à-dire que toi-même tu es sorti hors de la divergence. Parce que la divergence montre que celui qui ne donne pas la zakat est kafir. Et d'autres disent qu'il n'est pas kafir. Mais est-ce qu'ils ont parlé de mouchrik? Hein? Mais cet imam, il a dit mouchrik. Il a dit, et il dit, c'est Allah lui-même qui a dit cela. Kazaba Allah, am lam yakzib. Il a menti sur Allah ou bien n'a pas menti sur Allah? Il a menti sur Allah. Mais celui qui sort pour dire non, il a fait une erreur. C'est toi, on trouve que tu as un problème. Alors que Alladhi kadaba ala Allah ma ra'aytum anna hadha a'zamu firya. Vous n'avez pas trouvé que ça, c'est un grand péché et un péché même qui est plus grave que même souvent le shirk dans le Coran. N'est-ce pas? Al-Qawlu al-Allahi bi ghayri ilm. Parler sur Allah sans science. Depuis quand Allah a dit dans le Coran que ceux qui refusent de donner la zakat sont des mouchriks? Hein? Hada kazibun al-Allah. Et encore, il a pu, il dit, c'est Allah même qui a dit cela. Aïna qala Allah azihi, hada al-Qawl fi al-Quran. Où Allah a dit cette parole dans le Coran? Hein? D'abord, Wailun lil mushrikin, Allah s'adresse à qui? Est-ce qu'on demande aux mushrikin de donner la zakat? Zakatul mal? Ou on demande aux croyants? Donc, istidlalun bat, tu ne peux pas utiliser ce istidlal pour appliquer sur les musulmans? Alors que ça s'adresse aux mushrikin. Tayyib? Walakin yatamada ala zalik. Et il continue, il persiste, il continue depuis des années. Il est sur la même chose. Depuis des années. Non. La nadri maqsoud al-nas, liana al-maqsoud fi qalb. Lakin nara al-maqsoud ahyanan dans l'action de la personne. On voit cela souvent sur l'action de la personne. Ça va? Généralement, d'autres le font pour pouvoir inciter les gens à donner la zakat. Mais on n'a pas besoin de cela. On n'a pas besoin de les rendre mouchriques pour qu'ils donnent la zakat. N'est-ce pas? Nassallallahu alayhi wa sallam. Il y a une question encore. On va rentrer dans le kitab. Non? Le mot mouchrik. Hein? Et puis, mais il utilise quand même le verset dont il a utilisé. Vous voyez? Bon, le fait d'utiliser ce verset dont il a utilisé n'est même pas une argumentation qui tient. Donc on dira quand même qawluhu qawlun batil. Sa parole est batil. Si tu veux dire que celui qui refuse de donner la zakat est mécréant, utilise le istidlal que les savants ont envoyé qui tient. Tel que ce istidlal. S'il n'y avait pas une autre preuve qui venait faire sortir cela dans son, surtout la zakat dans ce qui est voulu, dans ce qui est compris, alors on aurait dit que le verset montre que celui qui ne donne pas la zakat est mécréant. Mais le hadith vient montrer que on châtira celui qui donne la, celui qui refuse de donner la zakat le jour de Yom al-Qiyama. Ensuite on lui montre sa voie, soit au paradis, soit en enfer. Voyez, soit il ira au paradis, soit il ira en enfer pour être corrigé. Voyez, nasallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide enfin sur le droit chemin. Toyib. Donc le cheikh Ali Ramli, il dit, wa amma zakatu shar'an. Quant au sens de la zakat dans la sharia, fahiya haqqun wajib. C'est un droit obligatoire, fi malin khas, dans un bien spécifique. Li ta'ifatin makhsusa, pour un groupe spécifique. Toyib. Fi waqtin makhsus, et dans un temps spécifique. Retenez cette définition. Haqqun wajibun fi malin khas li ta'ifatin makhsusa fi waqtin makhsusa. Voilà la définition de la zakat. Haqqun wajib, c'est un droit obligatoire à la sahib al mal, sur celui qui a l'argent ou bien les biens. Al-Muslim, qui est musulman, al-Hur, et qui est libre. Qui est libre, c'est-à-dire qui n'est pas esclave. Voyez, qui n'est pas esclave. Donc ici, fi malin khas, dans un bien spécifique, wa laysa fi jami'i mal, c'est pas dans tous les biens qu'on donne la zakat. Famasalan ar-raqiq, l'esclave par exemple, on ne donne pas des zakat dans l'esclave. Wal khayl, les chevaux, on ne donne pas des zakat. La zakat afiga, il n'y a pas de zakat dans cela, idha lam yu'addiha litijara, si on n'a pas placé cela pour vendre. Toyib, si on vend, en ce moment la zakat vient. Parce que ça rend à aroudou à Tijara, les expositions commerciales. Toyib. Alors la zakat se fait dans quatre types de biens. Cinq types de biens. Ça va? Il y a un type où il y a ikhtilaf, mais le qawl sahih, c'est que ce type-là rentre dans les biens dont on doit donner la zakat. Retenez cela. Ce n'est pas dans le livre ici, mais il n'a pas classifié ici, mais je vais vous mentionner. Premièrement, Bahimatul Anam, les bestiaux, c'est-à-dire la vache, le chameau, d'abord le chameau, Al-Ibil, ou Al-Bakar, ou Al-Ghanam. Al-Ghanam, il y a Shad, ou Al-Maas. Donc cela, Bahimatul Anam, rentre dans ce qu'on doit donner la zakat. Toyib. Il y a maintenant, deuxièmement, An-Naqdan. An-Naqdan. An-Naqdan ici, c'est Al-Zahab Wal-Fidda. Al-Zahab Wal-Fidda. C'est-à-dire l'or et l'argent. Toyib. Ensuite, troisièmement, on a Al-Haboub Wal-Thimar. Troisièmement, on a Al-Haboub Wal-Thimar. Haboub Wal-Thimar, ce sont les fruits et les graines qu'on plante, c'est-à-dire le mil, maïs et puis le blé, donc tout cela qu'on plante, la zakat, il rentre dedans. Ça va? Quatrièmement, on a aroud at-tijara, ce qu'on vend. Par exemple, si tu as une boutique, ou bien tu vends d'autres choses. Ce que tu vends, tu estimes ce que tu vends. Si ça atteint le nisab, ce que tu vends. Si ça atteint le nisab, on va parler du nisab, inshallah. Mais si ça atteint le quota, pendant que tu commences à vendre, lorsque l'année passe dessus, il a hala alayhi al-haoul, l'année passe sur cela, c'est-à-dire si tu commences à vendre de Muharram, tu attends jusqu'à Muharram prochain, avant de donner la zakat de ce que tu vends. Donc c'est ce qui est Aroud Tijara. Ça fait combien? 4. Cinquième, c'est Al-Ma'adin Wal-Rikaz. Al-Ma'adin, c'est tout ce qu'on gagne sous la terre, tel que l'or qu'on enlève dans le sol, les trésors, tout ce qui est trésor, qu'on trouve dans le sol. Ça va? C'est ce qui est Al-Ma'adin Wal-Rikaz. Le rikaz, c'est le trésor. Ça va? Par exemple, tu creuses dans le sol et puis tu vas tomber sur du trésor. Donc, ça, tu n'attends pas ce que l'année passe dessus. Sur le champ, tu calcules et tu fais sortir la zakat. Ça va? Et l'or aussi que tu cherches dans le sol. Si tu trouves de l'or, tu évalues. Si ça dépasse le quota, tu enlèves la zakat dessus. Tu n'attends pas aussi que l'année passe dessus. L'or que tu donnes, tu attends que l'année passe dessus, c'est l'or que tu as. Toi-même. Ça va? Et tu déposes auprès de toi. Ça va? Cet or-là, ça peut être de différentes manières. Ce que tu gardes, ce que tu fabriques en bracelet. Tant que tu as ça sur toi. Si l'année passe dessus, tu donnes la zakat. Taïeb, Allah nous accorde la compréhension. Donc, voici les cinq. Qui peut me citer les cinq qu'on vient de dire tout à l'heure? Hein? Mada? Sans regarder, mais en français ou bien en bambara, s'il veut. Nam. Hein? Bagaon? Nam. C'est ma fin. Nam. Femme me boit du colo coro. Du colo cono. C'est-à-dire comme les quoi? Or. Oui, ok. Djaoukoun, oui, du mané. Hein? Voilà, commerce mina. Ok. Anne du mois, quel est-ce là? Hein? Allez te doigts qu'on a. Il n'y a pas de goût de soro. A fait nous boire là. Mais il faut faux. Tu as dit. Hein? Les plantes. C'est une fin. Il a dit ça. Il a dit ça. Hein? Non. D'accord. Qui peut citer encore? Nam? Les bestiaux. Mais tu regardes. Nam? Les fruits et les légumes. Les fruits et les grains. Qu'on plante. Maintenant, le fruit, ça peut être aussi, tu as un verger de mangue, de goyave. Ça rentre dans les fruits. Ça va? L'or et l'argent que tu possèdes, il y a un bon ou quoi qui dit à Nakadu. hein, les marchandises qu'on vend. Voilà. Les trésors qu'on gagne dans le sol. Il n'a pas laissé, hein? C'est bon? Les animaux. Ah, les bestiaux, il a dit. Ok, Inch'Allah. Qu'Allah vous préserve. Et qu'Allah nous aide. Donc, vous retenez cela. Voici les cinq types de biens qu'on fait la zakat dessus. Mais ceci, Aroud ou Tijara, que les savants se sont divergés. Aroud ou Tijara. D'aller l'exposition commerciale. Ce que tu exposes pour vendre. Il y a la zakat dessus. Iza hala alayhi l'haoul. Tayyib. Et on va expliquer qu'est-ce qu'il veut dire iza hala alayhi l'haoul. Lorsque l'année passe dessus. Ça va? Lorsque l'année passe dessus, masalan, moi j'ai 600 000. Que je, dans ma caisse, j'ai 600 000 et je sais que 600 000 c'est le quota du zakat. Dans le mois, c'est, on compte sur les mois hijri, on compte pas sur les mois miladi. Vous avez compris? On compte sur les mois hijri, c'est-à-dire, moi j'ai 600 000 francs CFA. Et je sais que ça atteint le quota. Dans le mois de Ramadan, par exemple, je compte à partir du mois de Ramadan, si cet argent-là reste avec moi, même si d'autres s'ajoutent dessus, ça va? Mais ça reste avec moi jusqu'au mois de Ramadan prochain, je calcule tout, même ce qui s'est ajouté dessus, et puis je donne la zakat. Est-ce que vous comprenez? Mais tant que je n'ai pas le quota, je ne commence pas à faire le muhasaba. Je dois connaître d'abord le quota, c'est combien? Celui qui a 1 million dans son compte ici, il a le quota. Parce que le quota, c'est moins d'un million. Est-ce que vous avez compris? Donc, Toyib, il commence à compter du moment où il a le quota jusqu'à ce que ce même mois-là arrive dans l'autre année. Et il calcule. Et il donne la zakat. Et on va voir la manière dont on calcule. C'est compris? Mais si on arrive ici, zakat, al-awraq, al-naqdiya. Et puis le zahab, ainsi que le fidda. Ça va? On va voir cela, biiznillah. Naam. Il estime le coût de la marchandise. Voilà. Et il fait un quota et il calcule. Ah, c'est l'estimation de ce qu'il a. Aroud ou Tijara. Ce n'est pas ce qui est dans la caisse. Non. Si c'est ce qui est dans la caisse, là, il va vider sa caisse. Ah. Celui qui a un quota. Ah. Uh-huh. Oui. Non. Est-ce qu'il a toujours vu qu'on voit qu'il a dépassé dans le marchandise qui arrive au meilleur, à partir du moment qu'il a écouté? J'ai pas compris la question. Il faut revenir dessus. L'ouverture de la boutique. Si tu ouvres la boutique, tu évalues les marchandises qui sont dans la boutique. Si ces marchandises valent le quota, tu commences à compter. Non. La question c'est quoi? Avant d'ouvrir la boutique, tu as le quota sur toi. Non. Tu n'as pas encore dépensé. Oui. C'est lorsque tu avais le quota à mai. Non. C'est déjà que tu commences à compter. Ou bien c'est lorsque tu as pris pour investir. Non, tu as pris pour investir. Toujours l'argent. Si tu n'as pas dépensé, on parle du quota lorsque tu as cela gardé. C'est-à-dire, tu ne dépenses pas. Si tu viens à dépenser, par exemple, tu as 600 000 et puis tu viens à dépenser les 600 000, tu n'as plus de quota. Toyib, jusqu'à ce que tu aies autre 600 000, tu commences à faire muhasaba. Mais là, on parle généralement des gens qui gardent leur argent. Ça va? Par exemple, tu as ton argent en banque. Tu dois faire la zakat dessus. Tant que cet argent est là. Ça va? Et tant que cet argent atteint le quota, le nisab. Donc tu vas donner la zakat dessus. C'est compris? Mais l'argent qui est dans ta main, qui va et qui vient, qui va et qui vient, tu dépenses, après tu dépenses sur ta famille, après tu dépenses. Maintenant, si cet argent que tu as gardé qui atteint le quota, tu avais gardé jusqu'à il a hala alayhin haoul, l'année passe dessus, tu donnes la zakat. Mais si tu as pris pour mettre dans le commerce, alors tu évalues ce commerce maintenant. C'est sur cela maintenant que tu dois donner la zakat. Non, ça devient Arou de Tijara. Ça devient Arou de Tijara. On va rentrer dans beaucoup de détails. Ne vous précipitez pas, Biznillah. Quand on va arriver sur chaque détail, Biznillah, pour ceux qui n'ont pas bien compris, parce que c'est très essentiel, poser les questions pour pouvoir mieux comprendre. C'est compris? Taïb. Et surtout le bab que nous allons aborder, qui est le bab de Bouillot. Là-bas, en tout cas, je sais que ça va chauffer. Hein? Le commerce. Aïwa. Qu'Allah nous facilite. Barakallahu fikum. Vous êtes tous concernés. Vous êtes tous des commerçants. Hein? Celui qui travaille dans une entreprise, même s'il est salarié par mois, fait hukm l'islam, il est considéré comme un vendeur ou un acheteur. Dans le bail. Parce que tu travailles dans l'entreprise, tu vends tes services. Et l'autre, il te paye parce que tu lui vends des services. Lui, il est l'acheteur, toi, tu es le vendeur. Donc, la Bouddha, tu dois connaître les Akka. Madrasa. Il enseigne en madrasa. C'est-à-dire, et puis on le paye. Oui, bien sûr, il travaille. Hein? Madrasa, ça peut être gratuit si on n'a pas de dépenses. Il y a des gens qui disent non, fils habile là, il faut faire bénévolat. Bénévolat, c'est. Alors qu'il a une famille. C'est compliqué. Donc, on continue. Donc, comme on vient de voir, la zakat n'est pas dans tous les biens, c'est dans mal. Marsous spécifique. Ça va? Fa zakatu khazu min malin khas. La zakat est prise d'un bien spécifique. Kazahabi, comme l'or, wal fidda, l'argent blanc, wal dananir, ainsi que le dinar, al warakiya, c'est-à-dire les billets, au mashaba, comme les francs CFA, par exemple. On prend la zakat dans cela. Et on prend cet argent à un groupe spécifique de personnes. C'est les 8 types de personnes. Ça va? 8 catégories de personnes. Alladhina zakarahum Allah tabaraka wa ta'ala fi kitab al-karim. Qu'Allah mentionné dans son livre, dans surat Tawba. Tayyib. Wa yukhadhu hadha al-mal. On prend cet argent fi waqtin makhsous. Dans un temps spécifique. Idha hala al-hawl ala ba'd. Il y a certains biens si c'est l'année qui passe dessus. Ça va? Aïe, c'est-à-dire marrat alayhi sanatan kamila. C'est une année complète qui a passé sur cet argent. Mais il y a d'autres, c'est fi waqdi hasadil ba'dil akhar. C'est lorsqu'on récolte d'autres qu'on donne la zakat. Tel que zakatul hubub. Ça va? Maïs, mil, le riz. Donc cela. C'est lorsqu'on récolte. Parce que Allah dit wa tu haqqahu yawma hasadi. Donnez leur droit lorsque vous les récoltez. طيب قال المؤلف رحمه الله لتر ليفر دي تجب في الأموال التي ستأتي la zakat tajib est obligatoire fil amwal dans les biens allati satati on peut augmenter un peu qui viendront qu'on va voir inshallah iza kana al malik mukallafan si celui qui donne la zakat c'est celui qui détient ces biens là il est mukallaf c'est-à-dire il est baligh il est aqil. Mais là, on va voir ici que cette parole du Cheikh, l'imam Shawkani, est une parole qui est discutable. Ça va? C'est une parole qui est discutable. Parce qu'ici, il a montré que la zakat est prise de celui qui détient, ça on est d'accord, mais il est mukallaf. Il est mukallaf, c'est-à-dire il est pubère et aussi il a la raison en place. Il n'est pas fou. Toyib. Aïe, c'est-à-dire, sayati zikrul amwal allati tajibu fiha zakat ala sahib al-mal. On va mentionner les biens qui sont obligatoires pour celui qui doit donner la zakat, zakat al-mal. Ça va? Zakana hadha al-malik mukallafan. Si celui qui détient cet argent est mukallaf, est chargé de ses actions, c'est-à-dire il est balé, il est pubère. Wala ishkala fi anna zakat tajibu idha kana sahibul mal al-muslim hurran. Donc il n'y a pas de problème si la zakat est obligatoire sur celui qui est musulman et libre. Lian al-abd, car l'esclave la yamliku aslan, lui ne détient pas à la base. Famalul abd milkun li sayyidi. L'argent de l'esclave, c'est pour son propriétaire. Parce que lui-même, il appartient au propriétaire. Ça va? Tayyib. C'est comme l'argent de l'enfant. C'est pour son père. Anta wa maluka li abik. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc si le père il prend l'argent de l'enfant, c'est pour lui. Hein? On n'a pas dit d'arracher l'argent des enfants. On dit anta wa maluka li abik. Ça va? Tayyib. Donc hal tajibu zakat fi mali ghayr al baligh. Voici la question qu'on va poser. Wa mali al majnun fa innahuma ghayr mukallafayn. Il dit, est-ce que la zakat est obligatoire dans le bien de l'enfant qui n'est pas pubère et le bien du fou? Parce que les deux ne sont pas des mukallaf. C'est-à-dire, ils ne sont pas chargés de leur action. Le fou, il n'a pas la raison. Est-ce qu'on peut prendre son argent pour faire la zakat? L'enfant, il n'est pas pubère. Est-ce qu'on peut prendre l'argent de l'enfant? Ça va? Pour faire la zakat. Toyib. Ici, le mu'allif, yazhabu ila adami wujubiha. Lui va vers ce qui n'est pas obligatoire. Fi mali sorir wal majnun. Dans le bien de l'enfant et du fou. Parce qu'il a dit dans sa parole, iza kana al maliku mukallafan. N'est-ce pas? L'imam Shawkani, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, celui qui détient si le mukallaf, la zakat est obligatoire dans ses biens. Donc, ce qui veut dire que, s'il n'est pas mukallaf, la zakat n'est pas obligatoire dans ses biens. Wa amal khilafi kawni zakat wajibatun fi mali ghayr mukallaf ka sagir wal majnun. Quant à la divergence au sujet de la zakat, qui n'est pas obligatoire, la zakat qui est obligatoire dans l'argent de celui qui n'est pas mukallaf, qui est petit et qui est majnoun, kamakal, c'est-à-dire c'est pas obligatoire, comme l'auteur du livre a dit ici, Zakat al-malik mukallafan. si celui qui détient l'argent ou bien les biens est chargé de ses actions. فَلِأَنَّ بَعْدَ الْعُلَمَا جَعَلْهَا مِنَ الْعِبَادَاتِ الْمَحْضَ. Car il y a des savants qui ont rendu la zakat parmi les adorations pures. C'est-à-dire, c'est l'adoration. Est-ce que l'adoration est obligatoire sur le fou? Hein? Est-ce que l'adoration est obligatoire sur l'enfant qui n'est pas pubère? Hein? Donc, eux, ils disent que c'est parmi les adorations. Donc, faqala, ils disent, inna sagir wal majnoun, l'enfant et le fou, laysa min ahlil ibada. Ils ne font pas partie des gens qui sont ordonnés d'adorer Allah obligatoirement, comme la prière est obligatoire. Wa ammal ba'dul akhar, quant à ceux qui disent que la zakat, on doit donner de leur bien, faja'a la zakat min haqqil mal. Ils ont rendu la zakat comme un droit qui est dans l'argent. Ça va? Ce n'est pas lié à la personne qui donne. Mais c'est un droit qui est dans les biens. Vous comprenez? C'est un droit qui est dans les biens. Donc voilà pourquoi ils disent annaha wajibatun fil mali li ahli zakat. C'est obligatoire dans les biens pour ceux qui doivent donner la zakat. Faqala la yashtaritu al-bulugh. Ils disent que la puberté n'est pas une condition, wa al-aql, et la raison n'est pas une condition. Li annaha hukmun rutiba ala wujudi sababi. C'est un jugement qui a été placé sur l'obligation de la cause. S'il y a la cause, ça devient obligatoire. Wa huwa bulugh an-nisab. Et la cause c'est quoi? C'est le fait que l'argent atteint le quota, le nisab. Faja'alu zakat, ils ont rendu la zakat kaqayyim al-mutlafat, comme l'évaluation de ce qui a été gâté par l'enfant. Par exemple, falaw anna sabiyan kasara zujaj as-sayyara. Si un enfant venait à casser vitre d'une voiture, wajaba taslih az-zujaj min mal as-sabi. Il devient obligatoire de réparer la vitre avec l'argent de l'enfant. N'est-ce pas? Wa in lam yakun as-sabi mukallafan. Même si l'enfant n'est pas mukallaf, il n'a pas atteint le boulot. Voici ce qu'ils disent. Mais le cheikh, il dit, le cheikh Ali Ramli, Hafizahullah, il dit, lakin as-sahi, il dit, mais ce qui est obligatoire, an-zakat, que la zakat, un afwan, ce qui est authentique. J'ai dit obligatoire. Ce qui est authentique, la zakat, wajibatun fi malil muslim al-hur, est une obligation dans le bien du musulman qui est libre, savoir qu'il soit kana saghiran, qu'il soit enfant, ou kabiran, ou bien qu'il soit grand, qu'il soit majnounan, qu'il soit fou, ou bien akilan, ou bien de vous des raisons. Fa innaha kala zakat muta'alliqatun bil mal, est lié au bien. C'est pas lié à celui qui donne. Tant que il est musulman, son bien doit être donné en zakat. C'est compris? Tant qu'il est musulman et il est libre. S'il est musulman et il est libre, ça veut dire qu'il détient. Est-ce que l'enfant ne détient pas l'argent qu'il a? Est-ce que quelqu'un d'autre peut dépenser? Donc cet argent, on doit donner la zakat, même si l'enfant n'a pas atteint la puberté. Parce que la zakat est un droit obligatoire. Haqqun wajibun fi malin khas. On n'a pas dit fi ashkhas. Fi mal. Dans un bien spécifique. Par exemple, si un enfant a des moutons, il a des moutons, par exemple ici, comme on est en ville, sont généralement dans les villages, ils font cela. Ça va, nous, quand on était petits, nos parents, ils achetaient deux moutons pour nous. Après, les moutons, même les chèvres, commencer à avoir des enfants et ils deviennent beaucoup, comme un troupeau. La zakat est obligatoire dans ces moutons, dans ces chèvres, ou bien c'est pas obligatoire? C'est obligatoire. Même si l'enfant, il n'est pas d'accord, on doit donner la zakat dans ce qu'il a. Soyez, c'est une sunna, c'est une bonne chose que nos parents faisaient avant. Mais comme on est en ville, sinon si vous avez la capacité, c'est une bonne chose. D'autres même gagner de l'argent, des troupeaux. Parce que d'autres, ils savent qu'ils n'ont pas grand chose à donner à leurs enfants. Donc souvent, quand ils sont dans les villages, ils payent deux bœufs, femelles mâles. Mais souvent même, ils payent femelles seulement. Puisque la femelle est dans un troupeau, la Bouddha entend Jab. Il faut qu'elle tombe enceinte, elle ait des enfants. Donc en ce moment, l'enfant, pendant qu'il est petit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté, il se trouve avec 10 bœufs. Ou bien plus de 10 bœufs. Mais celui-là, ils ont préparé quelque chose pour lui. N'est-ce pas? Les gens d'avant, ils faisaient cela beaucoup. Ça va? Non. Ah. Bien sûr. Ça purifie l'enfant, bien sûr. Si ce sont ses biens. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim. La zakat que tu prends de leurs biens, tu les purifies. Donc si c'est obligatoire pour l'enfant, cette zakat purifie l'enfant. Toyib. Non. Donc c'est une bonne chose. Mais les enfants, même s'ils sont enfants, et s'il arrive aussi que la personne, il avait des bœufs, il avait des moutons, il avait des chèvres, ça va? Et qu'il est devenu fou. On ne dira pas que parce qu'il est fou, on ne va pas enlever la zakat dans ses biens. Bal, on enlève dans ses biens. Ça peut être aussi une cause pour que Allah le purifie de sa folie. Ça peut être une cause parmi tant d'autres causes. Toyim, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et qu'il nous guide sans fin sur le droit chemin. Toyim. Donc ici, ensuite, il dit là qu'il n'a sahi, on a déjà vu ça. Non. Donc il dit comme Allah dit ici, لأن الله تعالى تبارك وتعالى قال خذ من أموالهم صدقة. Prends de leur bien la zakat, فالمدار على المال. Donc c'est l'argent qui est considéré ici. C'est les biens. لأن الله, parce que Allah سبحانه وتعالى il a dit خذ من أموالهم صدقة. Ça va? Prends de leur bien. ولم يفرق بين مال ومال سوى. Il n'a pas différencié entre les biens et d'autres biens. Savoir qu'un Ali Kabir, que ce soit pour la personne âgée, ou sourire, ou l'enfant, ou majnoun, ou akil, le fou, bien celui qui est doué de raison. La zakat est obligatoire dans tout cela. Dans le hadith, dans le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il y a un hadith de Mu'az, qui est le hadith d'Ibn Abbas. Il dit, alimuhum annallah aftarad alayhim sadaqatan. Dans une version, il dit, fi amwalihim. Hein? Il faut les informer que Allah leur a rendu obligatoire la zakat. Fa zakat muta'alliqatun bil mal. La zakat est liée au bien. Bighaddin nazar an halil malik. On ne regarde pas la situation de celui qui détient. Ça va? وهذا القول هو قول الصحابة. Cette parole, du fait de dire que la zakat de l'enfant, on enlève, même si c'est un enfant, même si c'est un fou, c'est la parole des compagnons. Tels que Omar, Ali, Ibn Omar, Aïcha et d'autres. فإنهم يوجبون الزكاة et ils rendaient obligatoire la zakat في مال الصغير اليتيم. Dans l'argent, dans les biens de l'enfant qui est orphelin, wa ghayri, et autres. Bina'an, il se basait sur anna zakat, que la zakat tajibu, hein, tajibu fil mal. est obligatoire dans les biens. Azakat ou fardun wa rukunun. La zakat est une obligation et un plié de l'islam, n'est-ce pas? Bi ijma al muslimin, par le consensus des musulmans. Wa huwa amrun ma'lum min ad-din bid-darura. C'est quelque chose qui est connu dans la région. Ya kulna ma'lum min ad-din bid-darura, bid-darura yani kullu an-nas ya'rif anna zakat wajib. Tout le monde. Personne ne peut venir dire non que la zakat ne fait pas partie de l'islam. La qawla zalika la yakun musliman. S'il dit cela, il n'est plus musulman. Wala yakhfa ala ahad, et c'est pas caché pour quelqu'un. Wa adillatu kathira. Ses preuves sont nombreuses. Hein? Minha qawlullah. De cela, la parole d'Allah, wa aqimus salata wa atuz zakah. Et ça vient beaucoup de fois dans le Coran. Allah lit ici as-salat wa zakah. Ça va? Wa qawlu rasulillah, et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lamma li Mu'az, à Mu'az, indama arsalahu ila al-Yaman, lorsqu'il a envoyé Mu'az au Yémen, ça va, qala, il a dit, wa alimuhum, et informe-les, anna Allah, que Allah iftarada alayhim, Allah leur a rendu obligatoire, sadaqatan, fi amwalihim, ça vient dans d'autres versions, mais dans d'autres versions, c'est sadaqatan. Ça va? Dans leur bien, tu'khazu, qui sera pris, min aghniyaihim, de leurs riches, wa turaddu ala fuqaraihim, et retourné à leurs pauvres. Wa hiya min arkan l'islam, et ça fait partie des pliés de l'islam. Le qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, bunya l'islam ala khams. L'islam est construit sur cinq. Il a mentionné dans cela Ita Azaka. Ça va? Bunya l'islam ala kham shahadatu an la ilaha illallah, l'attestation, wa anna Muhammad Rasulullah wa iqam wa ita. Il a dit la zakat. Après l'accomplissement de la prière, il a dit la zakat. Donc ce qui montre que la zakat est une obligation, ayyuhal ikhwa. Et il n'y a pas de khilaf sur cela. Le caractère obligatoire de la zakat. Ça va? Il n'y a pas de divergence. Donc on va s'arrêter ici. Et on va commencer la semaine prochaine dans Bab Zakat al-Hayawan. Zakat al-Hayawan. Biznillah, sanata'awan fi hifzi dhalik. On va s'entraider ou mémoriser cela. Et on va se baser sur un tableau. Ça va? Zakat al-Hayawan, on va commencer par les chameaux, les vaches, les moutons, ainsi de suite. Ça va? Mais on va dire de combien de chameaux à combien de chameaux on doit donner quoi. On met ça dans un tableau et vous faites l'effort de mémoriser. Ça va beaucoup vous aider. Ça va? On fait l'effort de mémoriser. Ça va? Et Inch'Allah, au fur et à mesure, après chaque dars, avant chaque dars, je ferai l'effort, même si j'ai oublié, vous me rappelez, je ferai l'effort de poser des questions pour voir si on a compris. Et Inch'Allah, tous les abouabs qu'on va voir après ce bab, c'est des abouabs qui demandent beaucoup de inaya dans le hifz et dans aussi la compréhension. Même si nous n'allons pas avancer rapidement, c'est pas le maqsoud. Ça va? Le maqsoud, c'est de comprendre ce qu'on apprend. Donc, déjà, on a vu l'obligation de la zakat avec les adillah. On a aussi vu la divergence, celui qui délaisse la zakat. Qu'est-ce qu'on a dit? Quelle est la parole authentique? Non. Voilà. Celui qui délaisse la zakat par avarice n'est pas mécréant. Ça va? Il est, s'il n'est pas mécréant, il est quoi? Il est fasik. Non. Hein? Ah si. Il est parmi les désobéissants. Il est dans une kabira min kabair az-zunub. Il est dans un grand péché. Et le jour de Yom al-Qiyama, ses biens seront transformés. Et ces biens-là seront transformés comme un animal qui va le et ensuite ça serait transformé comme elle a dit yawma yuhma alayha fi nari jahannam fatuqwa biha jibaw, ils seront repassés avec leurs biens. Donc ça montre que c'est pas quelque chose de facile, mais kathir min al muslimin, beaucoup parmi les musulmans la yahtanuna bizalik, ils ne prêtent aucune attention au fait de donner la zakat. Bal, ils voient que donner la zakat diminue leur bien. Voilà pourquoi ils se fatiguent même pas même pour savoir s'ils atteignent le quota. Ils se fatiguent même pas pour savoir, j'ai atteint le quota à telle date, donc je dois commencer à calculer. Ils se fatiguent même pas. Alors que la zakat, c'est un moyen parmi tant d'autres, fimo asat el fukara, pour réconforter les pauvres. Pour réconforter les pauvres et aussi pour combattre la pauvreté. Vous voyez des gens qui mettent des structures, on veut combattre la pauvreté. Il n'y a pas meilleur pour combattre la pauvreté que le fait de donner la zakat. Parce que donner la zakat, le but, le maqsoud ou l'azam. Par exemple, si moi j'ai 1 million de zakat, d'autres, ils font quoi? C'est-à-dire, ils donnent leur zakat comme s'ils sont en train de faire tabarro. Comme s'ils sont en train de faire du bien. Les gens les remercient. Là, la zakat, tu n'attends même pas ce qu'on te remercie. C'est une obligation pour, sur toi. C'est comme la prière. Tu pries, tu attends ce qu'on te dit merci, tu as prié. Hein? La zakat, c'est hakonwa djibon. C'est pas tabarro. Mais tu vois ces personnes, ils prennent les zakat par exemple, ils calculent les zakat, 500 000 par exemple. Au lieu d'aller regarder un pauvre qui a des difficultés pour démarrer des activités, qui a des difficultés même pour nourrir sa famille, donne-lui les 500 000 et dis-lui, travaille dans cela. Tu lui donnes une solution pour qu'il puisse faire du commerce. Et celui-là, Roubama, l'année prochaine, il sera parmi ceux qui vont donner la zakat. Ou bien, ça augmente le nombre de personnes qui donnent la zakat ou pas. Mais eux, lorsqu'ils ont ces 500 000, ils font tabarro. Ils divisent ces 500 000 à 2 000. Ils vont dans telle mosquée, ils vont donner. On dit, Mashallah, Barakallahu fik. Il va dans une autre mosquée, il donne Barakallahu fik. Tous ceux qu'ils voient dans la rue, ils commencent à les donner. On dirait ceux qui sont dans les coins bizarres et puis ils font. On appelle ça comment même? Truc. Faroté, voilà. Et ils sont en train de faroter sur les gens. On ne t'a pas demandé ça, Ari. Ouais, souvent même, c'est. Vous ne pouvez pas demander ces 200 yens. Souvent même, c'est 200 yens, ils donnent. Aouzoubillah, ikhwa. La zakat, c'est pour que ça profite à certaines personnes. Regardez par exemple, parmi les masarif zakat, il y a les pauvres. Parmi ceux-là, il y a ceux qui combattent sur le chantier d'Allah. Ceux qui combattent sur le chantier d'Allah sont les deux catégories. Ceux qui vont dans le djihad avec les armes et ceux qui vont étudier. Les tolab, par exemple, des enfants qui veulent étudier, qui veulent avancer, donne la zakat pour qu'on s'occupe de cela. Donne la zakat à un pauvre qui peut s'en sortir dans le commerce. Donne la zakat à quelqu'un avec ce qu'a Makonya. Même si tu divises 10 000 et tu donnes dans chaque mosquée, en Afat et Nabonya. Tu mets dans la mosquée, la personne est-ce qui t'a dit qu'il va prendre Kairet de Menaya, il met dans la caisse de mosquée. Et puis après, encore, quand il se lève, il commence à calculer dans les caisses, il se frappe à cause de ça. Pourtant, c'est la zaka. Il y a zaka à des masarif, et Inch'Allah, on va voir les masarif ou zaka. Toyib, nasallallahu alayhi wa sallam. Si les musulmans donnaient la zaka, les pauvres seront beaucoup réconfortés. Ils sont beaucoup à donner la zaka. Mais ils ne donnent pas. On va voir les menaces, ils sont liés à cela. Et la Bouddha, si tu ne donnes pas la zakat, il sera châtié. Par ces menaces-là. Qu'Allah nous préserve. Parce que la personne sera châtiée de jour de Yom al-Qiyam, avant qu'on lui montre sa voie, soit au paradis ou soit en enfer. C'est-à-dire qu'il n'est même pas encore rentré pour être châtié. Il sera châtié. Parce qu'il a refusé de donner la zakat. Non. Non. Non. Non. Ça, c'est pas la zakat, ça, c'est la jizya. C'est le. On appelle ça la rançon, non? Qu'elle est. Comme elle a dit, Ahata yu'tul jizya wa hum sawiru. C'est-à-dire, là, on peut mettre ça dans le cadre de l'impôt. Voilà. Mais, c'est-à-dire, si le mécréant vit dans un pays musulman, il paye la jizya. Et il est mu'ahad, il est sous la protection des musulmans. Ça va? Mais ça, ce n'est pas la zakat. Toyib? Non. La zakat a des masarif. On peut donner la zakat même à un mécréant. Toyib? On peut le faire. Pas forcément un musulman. Un mécréant dont on sait qu'il est en difficulté, on sait que c'est un cœur à gagner. On peut lui donner la zakat. Ils sont les mu'allafat qulubuhum. Donc, errant min hadha sabil. Ça va? Mais nous qu'adim awalan hajat al-muslimin. Les besoins des musulmans, on devance d'abord. Mais lorsqu'on sait qu'on peut avoir un mécréant pour qu'il comprenne l'islam, il aime l'islam, on lui donne la zakat. Ça va? Nassallallahu alayhi wa sallam. Tayyib? Naam. Est-ce que ceux qui font les déplacer de la zakat? Naam. C'est-à-dire d'un endroit, un autre endroit. Naam. Non, là, Ishkal. Normalement, la zakat, le maqsoud ou l'azam, c'est d'aider les musulmans qui sont autour de toi. Mais, sache que la zakat, awalan, le premier maqsoud, azam de la zakat, c'est que c'est mu'asat ou l'ikhwan. C'est d'aider les frères, surtout ceux de la même famille. Tu peux avoir quelqu'un qui est de la même famille que toi. Au lieu d'aller donner la zakat à des gens, tu donnes à ton frère. Ça renforce votre fraternité. Ça va? Non. Donc, pour cela, d'autres déplacent la zakat. Ils vont donner à leurs propres frères. Ça va? Donc, les savants montrent que là, Ishkal Fizalik. Il n'y a pas de problème de faire le nakl des zakat. Envoyer dans un autre endroit alors qu'il y a des pauvres auprès de toi. Tant que tu sais que ceux qui sont là-bas sont dans le besoin et sont liés avec toi, dans la famille ou bien dans la fraternité islamia. Ça va? Par exemple, moi je vis dans un quartier. Je trouve qu'il y a des gens, par exemple, qui sont dans le besoin. Mais ce n'est pas les gens, ce n'est pas des salafis. Ça va? Et je sais qu'il y a un salafi qui est quelque part là-bas qui est vraiment en difficulté. Je fais le nom que j'envoie aux salafis. Ça renforce notre fraternité et ça aide quelqu'un min ahli sunna. Ou bien, non. Donc faire le nakl des zakat, ça c'est pas un problème. Voilà, ça dépend des situations. Ça va? Non. Non, ça dépend. Si c'est un innovateur, on sait qu'on peut. Mais un innovateur qui est farouchement opposé à la sunna, tu ne lui donnes pas. Non. Non. Pour les biens qui vont dans le cas comme les terrains, on achète le terrain. Oui. Si le terrain, tu l'as acheté et tu veux que le terrain prenne de la valeur pour vendre, ça devient haro de tijara. Ça va? Si tu vends, tu donnes sa zakat. Ok? Non. Et aussi, le haro de Tidjara, comme on va le voir, même si c'est exposé, tu as pris l'intention de vendre le terrain. Et le terrain est gardé. Si l'année passe dessus, tu évalues à combien tu as acheté le terrain, puis tu fais la zakat dessus. Non. Jusqu'à ce que tu vends. Si tu veux, il faut attendre. Mais tu vas donner la zakat. Ok? C'est ce qu'on appelle la roue de Tidjara. Il y a une divergence au niveau des savants. Voilà. Et, mais c'est une parole qui est chasse. Ça va? Un moment, moi, je soutenais cette parole. Mais la parole qui est qawi, c'est que Haro de Tidjara, il y a zakat dessus. Ça va? Non. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. On va s'arrêter ici. Bismillah. Et continuer. La semaine prochaine, vous venez avec vos cahiers, vos stylos, tout ce qui vous permettra de prendre notes. Inch'Allah. Barakallahu fikum. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.